Merci. C'est nous qui sommes désolés pour le temps restreint et on a dû réduire aussi ce temps d'exposé. Et on va terminer avec le grand retard que nous avons pris par un dernier temps de rencontre table ronde, alors qui ne va pas véritablement être une table ronde, autant vous l'annoncer de suite. On va s'adapter aussi et modifier un petit peu ce temps dans sa forme. Et j'appelle ici pour le plateau rencontre. Eh bien, les deux personnes qui vont intervenir, Marie-Hélène Januel, qui est ici, et Cécile Dupas. Une table ronde qui était prévue, intitulée « Croisons les regards entre famille et professionnel ». Et comme nous avons tout simplement 10 minutes de temps qui nous est imparti, eh bien, ce temps-là, en tout cas, va être davantage sous forme de témoignages, finalement, plus que de rencontres. Et on prendra quand même une ou deux questions, si vous le souhaitez, dans la salle, pour à la fois revenir peut-être sur des temps et moments clés du matin, ou pour également échanger avec nos intervenantes. Voilà. Alors je le disais, pas véritablement de table ronde, mais de temps de témoignage. On va vous laisser 10 minutes environ pour peut-être témoigner Cécile Dupas en tant que parent et militante. Et puis Marie-Hélène Januel, directrice des centres sociaux La Rivière-Valbenoite Centre 2. Et on l'a évoqué ce matin, hein, ce grand principe, on va sortir un petit peu des concepts, justement, peut-être, qui ont été énumérés ce matin pour entrer dans des choses un peu plus concrètes et peut-être pratiques. Et un des grands principes qui a été rappelé, c'est le principe d'accessibilité pour tous et toutes, quel que soit le handicap, qui est réaffirmé par la loi du 11 février 2005. Alors précisément, ça va être l'occasion de témoigner sur comment cela se met en place au sein de structures qu'on ne va pas dire spécialisées, parce qu'on le rappelle, hein, les accueils collectifs avec hébergement ou autre sont aussi un principe de droit, finalement. Alors, une expérience, des expériences menées sur ces structures de la rivière Valbenoite, Centre 2, et puis témoignages de parents associés, donc professionnels et parents. Et puis, bien sûr, nous ont rejoint ici, si besoin aussi, pour les questions qui suivront, Julia, Cécile et Jean-Paul. Je vous laisse simplement la parole pour peut-être revenir sur, justement, ce travail d'accompagnement de parcours que vous avez mis en place et qui ne s'est pas fait seulement par un service professionnel, mais véritablement aussi en collaboration avec, justement, les familles et parents concernés. Je commence donc avec Cécile. On s'est rencontrés, ça fait déjà longtemps. C'était en 1997-98, donc le siècle dernier, comme disent certains. En fait, la question du partenariat, parce que c'est bien ça, la question du partenariat entre les professionnels et familles, elle a été assez évidente, du coup, puisque quand moi je suis arrivée sur le quartier de Valbenoite Centre 2, pour construire un projet centre social. On est arrivé sur la question du loisir à un moment. Je ne veux pas vous faire toute l'histoire, ça serait trop long et a priori, il n'y a pas beaucoup de temps. Donc voilà, et avec un groupe de travail que moi, j'ai souhaité tout de suite partager, en fait, parce que je ne me sentais pas la seule à pouvoir répondre à cette question. Donc j'ai invité des associations et des parents, du coup, que j'avais rencontrés au fil de ma carrière des années précédentes. Et donc, du coup, c'est ensemble, du coup, qu'il y a un état des lieux qui a été fait, un diagnostic, des constats, des besoins. Et on a partagé tout ça. Et c'est ce qui a amené à la création d'un centre de loisirs qui accueille des adolescents en situation de handicap mental à l'espace social Valbenoite Centre 2, à l'intérieur d'un projet social sur le territoire, mais bien plus vaste, sur la ville de Saint-Étienne. Et avec Cécile, on s'est rencontrés à ce moment-là. Et c'est vrai que moi, je crois que la question de l'autodétermination, l'éducation populaire, elle l'a toujours portée, en fait. Alors, elle l'appelait pas l'autodétermination, mais l'éducation populaire, elle peut pas être éducation populaire si elle prend pas la forme et elle prend pas cet outil-là pour la conception et la mise en place de ces projets et dans la manière, du coup, d'être avec l'ensemble de ses partenaires, qu'ils soient les habitants. Et les personnes en situation de handicap sont des habitants et ses autres partenaires. Donc cette question du partenariat, elle est évidente pour moi, en tout cas dans la manière dont j'envisage mon rôle, mon métier, et comment j'envisage la manière dont on construit, on co-construit des projets qui répondent aux besoins des personnes. Très bien. alors j'ai bien compris qu'il ne fallait pas trop parler de concept, c'était pas le but, mais je voulais juste dire quand même que ce matin, il y a un mot qu'on n'a pas beaucoup entendu, c'est le mot de liberté. Or, il n'y a pas d'autodétermination s'il n'y a pas de liberté. C'est-à-dire, quand on a à choisir, il faut qu'on ait une liberté de choix. Si on n'a pas la liberté, on ne choisit rien. Voilà, c'était juste une petite mise au point. Après, sur le témoignage un peu plus personnel, c'est vrai que ma fille Laura a fréquenté le centre de loisirs du samedi après-midi, entre 12 et 20 ans, je pense, si je ne me trompe pas. Alors au départ, pour nous, c'était, voilà, c'est un lieu, elle va se détendre, elle va se défouler un peu le samedi après-midi, voilà. Et en fait, c'est beaucoup plus que ça. C'est plus que ça parce que d'abord, il y avait la mixité, puisque avec le secteur jeune de la rivière, ils faisaient beaucoup d'activités, ils allaient au match de foot, ils allaient au bowling, ils allaient au resto, enfin voilà. Et donc tout ça, c'est une prise sur le droit commun, sur le monde ordinaire, qu'ils gardent après. C'est-à-dire qu'après, ces personnes se sont... elles n'avaient plus besoin du centre de loisirs pour aller au resto, elles s'organisaient elles-mêmes, etc. Donc ça participait de l'autonomie et de l'autodétermination. Et je crois que la raison principale, c'est le positionnement des pros, qui n'étaient pas des éduques. Alors, je n'ai pas particulièrement quelque chose contre les éduques. mais qui, voilà. Quoique dans l'éduque pop, ce sont aussi des éducateurs et éducatrices. Oui, mais ce n'est pas ce que je veux dire. Moi, je parle d'éducateurs spécialisés. Vous avez raison. Mais du coup, il n'y avait pas de... Comment dire ? Il n'y avait pas de hiérarchie et de conflit de loyauté. Voilà. Et ça, je pense que c'est important autour d'un enfant qui ressente bien que tout le monde va dans la même direction. Alors, ça a été fait par le bon travail des pros, mais aussi par la confiance que les parents ont pu donner à ces pros. La confiance est un élément indispensable à l'autodé. Hein. On ne s'autodétermine pas si les gens autour de nous n'ont pas confiance. Alors, non pas en nous, mais en notre projet et nos compétences. Voilà. Parce que j'entends souvent dire la confiance dans la personne. Non, c'est la confiance dans les capacités de la personne. Parce que la personne, elle n'est pas plus digne de confiance qu'une autre, ou pas moins. Je ne sais pas si je vais dire autre chose. Alors moi, ce qui m'intéresse, et je trouve ça intéressant que vous reveniez sur ce terme de confiance, parce que moi, c'est un terme qui m'a marqué aussi ce matin et que j'ai trouvé assez peu présent, mais qui me semble essentiel. Et j'aimerais que vous précisiez de quelle façon vous avez mis en place aussi finalement cet accueil possible. On a parlé de certes de confiance, mais parfois de défiance, je dirais aussi, entre professionnels et parfois famille. Comment, au sein vous, de votre structure, vous avez réussi à mettre cela en place assez facilement dans un cadre partenarial clair et évident, malgré tout, comme vous le disiez, Marie-Hélène. Alors, quand je dis évident, ça ne veut pas dire que c'était le pays des bisounours, qu'on s'entende bien. J'imagine bien. Quand on part du principe qu'on se pose à peine la question de comment on doit penser les choses... je parlais de ce qui fait mon métier, quand on travaille sur un territoire au service de la population, on est au service et on doit vraiment être dans un travail de collaboration, parce que sinon, en fait, on pense les choses avant, on se dit alors ça serait bien qu'il se passe ça, ça serait bien, est-ce que t'as envie qu'il se passe ça? Ouais. Ouais. Bon, mais il a dit oui. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que, je ne sais pas, il me semble quand même que, du coup, ça doit être la base. C'est-à-dire que les choses, elles doivent être... on doit les déconstruire d'entrée. C'est-à-dire que les parents, comme les jeunes, comme tout un chacun, on ne doit pas essayer d'aller les chercher là où on aimerait qu'ils soient. Il faut qu'on les retrouve et qu'on les rencontre là où ils sont. C'est-à-dire que tout à l'heure, on parlait de travail de déconstruction. Effectivement, je veux dire, à un moment, on se dit, ouais, ça serait super. Et puis parce qu'on n'est pas en dehors des pressions, de financement, dans nos secteurs. Donc, des moments, on se dit, peut-être s'ils pouvaient rentrer dans cette case-là, qu'est-ce que ce serait super. Mais on se casse la figure quand on fait ça. Donc, on revient, on repédale et puis après, on refait autre chose. Mais ce que je veux dire, c'est que la question d'aller chercher les gens là où ils sont, et pas là où moi je voudrais qu'il soit, parce que ça m'arrange, et parce que ça ne me dérange pas trop en tout cas, et ben c'est la base en fait. Et ça a un effet sur l'échange qu'on a avec les familles, et moi j'ai toujours... Il y a des moments où j'ai été en conflit avec des familles parce qu'on n'était pas d'accord, mais pas par rapport à leur enfant, pas par rapport... mais par rapport à ce qu'il disait, ou par rapport à... Voilà, et ça n'a pas évité ces conflits. En plus, le conflit n'est pas forcément négatif, parce que en règle générale, si on laisse une porte ouverte, du coup, ça permet aux gens de revenir, et puis de rediscuter de ceux où on n'était pas d'accord. Le but, ce n'est pas d'être toujours d'accord. Mais moi, j'ai toujours accordé une importance vraiment forte à qui étaient les gens en face de moi, à les laisser parler avant de me positionner moi. En fait, ce qui est important, c'est que les gens ils puissent s'exprimer en sachant que il n'y a pas de jugement, qu'ils viennent comme ils sont, comme disait quelqu'un. Alors pour illustrer peut-être le propos et rentrer dans le concret, moi ce que j'aimerais savoir, c'est par exemple comment vous avez mis en place ce cadre de fonctionnement finalement et d'organisation. On parle souvent de ces fameux un peu triangles d'or là, famille, loisirs, école. Bon, mais comment on compose et on fait ensemble, c'est pas chose évidente justement. Et vous évoquez souvent un travail de déconstruction, travail de faire avec, etc. Donc c'est un travail, ça demande du temps, ça demande des moyens. Comment concrètement, quand on n'est pas une structure et un service spécialisé, justement, on met en place ce cadre-là? Alors le pôle ressources en est un des témoins, puisqu'ils assurent ce travail de mise en réseau, d'accompagnement. Quels outils vous avez pu mettre en place pour à la fois travailler avec les familles, travailler avec le public concerné? Ça passe par des temps de formation, ça passe par des outils pédagogiques particuliers, et je pense aux équipes aussi pédagogiques qui encadrent aussi les temps d'animation, de loisirs, de périscolaires, d'extrascolaires. Voilà, comment concrètement, par exemple, sur vos structures, et ensemble, vous travaillez? Moi, je pense que j'ai travaillé avec ces familles comme je travaillais avec toutes les familles. C'est-à-dire que je me suis pas posé d'autres questions, en fait. Je crois que c'est... Il y avait cette demande-là qui est née d'un besoin exprimé par une jeune fille au centre social de la Rivière, que ça, c'était super parce que ça coïncidait avec le fait que moi je travaille sur la proposition d'un projet social sur le territoire de Val-Benoît-Centre-Deux, c'est ça l'histoire, et que du coup je me suis dit, merde, pourquoi on lui dit non à la Rivière? Elle était devenue ado, elle a grandi. Parce qu'ils grandissent en plus. Donc. C'est né comme ça. Donc moi, j'ai rencontré la famille. Et puis après, je me suis dit, en fait, moi, je ne sais pas quoi en faire, parce que je ne sais pas si... Je sais pas. Donc je vais m'entourer, je vais inviter des gens à venir réfléchir avec moi. Donc il m'a semblé évident qu'il y avait une association. Donc c'est là où j'ai rencontré Trisomie 21. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré Cécile. J'ai rencontré plein de gens et des parents, en fait. Et qui, du coup, ont pu venir valider l'idée que, du coup, dans ce qu'exprimaient, dans l'expression de leurs enfants, il y avait ce besoin de se retrouver entre pères. Et du coup, on est parti de ça, et puis on a construit ensemble, et puis on a avancé. Et puis au début, on se disait, tiens, ils pourront intégrer... Elle va me taper, Cécile, donc je me pousse un peu. Ils vont intégrer le centre de loisirs, le secteur jeune de la Rivière. Et puis après, on s'est dit, mais on a avancé. Et puis du coup, on a dit, pourquoi ils s'intégreraient? Pourquoi ils intégreraient? Pourquoi? Et on a continué, en fait... L'idée, c'est qu'on a avancé ensemble, en fait. On a avancé, professionnels, associations et parents, ensemble. Et il y a des choses que les uns et les autres ont accepté de remettre en question, mais autant chez moi que chez les parents, que chez les associations, dans les associations. On était accompagné en plus par une psychologue, Madame Guillemot, qui était la psychologue de Trisomie France, Trisomie 21. Et c'est vrai qu'elle, comment ? Ouais, du geste à l'époque. Et du coup, voilà, on a avancé tous ensemble. Et c'est parce qu'on a avancé tous ensemble qu'on y arrivait. Alors, on nous a beaucoup reproché, et notamment le médico-social et les éducateurs spécialisés, de ne pas avoir de... C'était pas notre boulot, c'était pas notre public, on n'avait pas de compétences, on savait pas faire. Si ce n'est que nous, on voulait faire de l'animation, on voulait proposer, faire de l'éducation populaire, et que ça, on savait faire. Donc après, on est bien sûr allé chercher des ressources auprès des associations partenaires, des familles, et voilà. Et après, on a continué à avancer. Et puis, on n'a jamais eu besoin de passer un diplôme ni d'éducateur spécialisé, ni de soignant, ni de rien pour proposer, je pense, un centre de loisirs qui répondait aux attentes des jeunes. Juste pour préciser, le champ de l'animation a grandement contribué à un travail que nous, on est en train de faire sur la père aidance. C'est-à-dire le fait d'être avec des pères et de pouvoir les aider dans certaines situations, etc. Et puisque l'animation aussi nous a apporté, c'est beaucoup de techniques, d'ateliers, de techniques de partage, de participation, qu'on n'avait pas forcément dans le milieu médico-social. Voilà. Je crois que je dirais plus rien, c'est bon. Mais je crois qu'on ne va pas avoir beaucoup plus de temps pour dire grand-chose, mais moi j'aimerais peut-être que si Julia, Cécile, Jean-Paul, vous souhaitez compléter, peut-être réagir à ce que l'on vient déjà un petit peu d'évoquer, si besoin, on vous laisse bien sûr la parole. Vous le souhaitez ou non ? Oui ? Jean-Paul ? Je vais dire un mot, je vais rebondir sur ce que disaient Marie-Hélène et Cécile. Je reviens à Jean Kalevitch, on n'apprend pas à commencer, pour commencer, il faut commencer. Il n'y a pas de préalable. C'est en avançant que c'est en mettant les personnes. Il n'y a pas de préalable à ce qu'on appelait l'intégration, puisque effectivement, et ce qu'on appelle maintenant l'inclusion, c'est un peu pareil en fait, intégration inclusion. En revanche, loisirs inclusifs, c'est pas pareil. On n'apprend pas. On n'apprend pas. Et si la personne est là, on change les représentations quand la personne est là avec les autres. On ne peut pas changer la représentation si la personne n'est pas là. Cécile et Julia, parce que vous nous avez rejoints aussi au plateau, alors si vous souhaitez... Non, moi je voulais juste parler en tant qu'ancienne éducatrice spécialisée, parce que moi j'ai travaillé quelques années dans un CESAD où on me demandait d'aller dans les centres de loisirs pour montrer comment on fait, mais... en fait ils savent très bien faire, enfin vous savez très bien faire, et il y avait... Enfin c'est d'autres savoirs. Il y avait aussi beaucoup besoin de rassurance, en fait, et juste de dire, mais en fait, c'est bien ce que tu fais. Enfin, voilà, et qu'en fait, tout le monde a des compétences. Et parfois, on se dit qu'on ne saura pas faire, mais voilà, il faut être créatif, il faut s'adapter et apporter autre chose. Et qu'on n'attend pas forcément aussi un accueil spécialisé. Enfin, voilà. Sur les parents, ce que disaient régulièrement les parents, pardon, c'est les professionnels disent on n'a pas été formés, les parents répondaient moi non plus. Ça, c'est sûr. Et je pense que pour faire la boucle avec l'année dernière, la question du plaisir, on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est important de s'en parler un peu. C'est que les centres de loisirs, c'est du plaisir normalement pour les enfants. Et les enfants, ils ont plein de prises en charge, plein de soins, plein d'attentes de la part des autres professionnels. Ils sont habitués à ce regard très médicalisé qu'on porte sur eux et très porté sur la réussite, le progrès, le dépassement de soi, l'effort aussi. Et peut-être se rappeler que quand ils viennent au centre de loisirs, ben c'est pour prendre du plaisir, et prendre du plaisir à être avec les autres, et prendre du plaisir à jouer, à découvrir plein de choses, peut-être pas forcément à progresser tout en temps, mais juste, vous êtes quand même sur un métier hyper chouette autour du plaisir des enfants. Et du coup, c'est comment vous vous raccrochez à ça sur, ben, en fait, mon job, c'est que cet enfant, il prenne du plaisir et il ait envie de revenir avec nous demain, quoi. Et c'est plutôt un chouette métier. En fait, et c'est dur et exigeant, et il y a plein de choses derrière. Mais offrez, vous êtes cette porte d'entrée pour les enfants d'un espace pas médicalisé, d'un espace pas rééducatif, d'un espace où juste il peut être enfant, et justement on vient chercher. Enfin, et ils viennent, et les parents peut-être viennent aussi chercher. Cette absence de regard médical et de juste comment on va aider à prendre du plaisir. Je voulais juste rajouter que c'est il y a quand même dans l'équipe de la formation, de l'accompagnement, ça existe. Après, le premier collègue avec qui j'ai bossé, il s'appelait Galem. Et du coup, je faisais un entretien de sélection pour un poste d'animateur sur un autre centre de loisirs, pas celui-ci. Et en fait, j'ai échangé avec lui, on a discuté. Et là, je lui ai dit, vous voudriez pas travailler les samedis après-midi, voilà. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une question d'envie, une question de plaisir, de ce que vous disiez, parce que c'est avant tout le plaisir qu'on va prendre, quel que soit le public avec qui on travaille, et quelles que soient les actions qu'on va mener, c'est le plaisir qu'on va prendre à les faire et à voir comment ça va se dérouler avec les gens, du coup, qui fait que ça va bien se passer. Après, les parents étaient des ressources pour nous s'il y avait des choses qui pouvaient mettre en difficulté un adolescent, ça, du coup, on le savait parce qu'on rencontrait les familles de manière régulière. Puis on discutait le samedi après l'activité. Enfin, voilà, donc longuement. Longuement. Le plaisir, qui serait un mot-clé d'une transmission réussie, finalement. La transmission, c'est quelque chose d'important. Merci pour ces mots de la fin, je dirais. La fin FIM, c'est grand temps et heure, justement. Est-ce qu'on a le temps? Je me tourne vers le pôle ressources pour une ou deux questions. Non, on est vraiment très contraints. On va faire une pause repas, qui va être écourté là aussi pour tenter à nouveau de ne pas reprendre un peu de retard en début d'après-midi. Donc on va avoir une petite heure de pause repas, de pause déjeuner. Et puis on se retrouvera en début d'après-midi pour les temps d'ateliers, micro-conférences et autres. Vous pouvez bien sûr échanger, poser des questions dans ce temps informel, bien sûr, de repas. Merci.